Harry Potter 7¾, tome 2, Les Bâtisseurs. Les personnages et l'univers de Harry Potter appartiennent à Joanne Rowling. Cette histoire est une fanfiction et ne peut faire l'objet d'une transaction commerciale. Lecture et montage par le groupe Sonorus, un groupe de fans de tous les horizons. Auteur de la fanfiction, Alix. Retrouvable sur Facebook, sur fanfiction.net et sur wattpad.com. Couverture originelle, Watou. Retrouvable sur Facebook. Musique, Frank Stoker. Retrouvable sur Facebook et sur YouTube. Leurs liens de contact sont disponibles sur https://www.sonorus.info/hp734.